Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1 et nous allons faire un tour, un saut dans une discipline encore rarement abordée à Futur Simple, l'architecture. Au bureau, par exemple, quelle lumière préférez-vous ? La lumière naturelle ou la lumière artificielle ? La lumière du soleil, du ciel gris ? Et quel mobilier préférez-vous ? Un mobilier en bois ou en mélanine ? C'est à ce genre de questions que Geneviève Poirier, qui est étudiante à la maîtrise en architecture, s'intéresse et elle vient de publier un article dans la revue BioResources sur donc un article qui raconte ses résultats. C'est une étude qu'elle a réalisée avec le GRAP, c'est-à-dire le groupe de recherche sur les ambiances physique de l'Université Laval et avec la CIRCERB qui, elle, est la chaire de recherche sur les constructions éco-responsables en bois. Et Geneviève Poirier est avec nous pour nous expliquer sa recherche. Bonjour Geneviève. Bonjour. Geneviève, votre étude porte sur l'ambiance qui règne dans une pièce selon la lumière naturelle qui entre dans cette pièce et aussi selon donc, la nature du revêtement qu'on va voir sur le sol, le plafond, les murs. Et j'aimerais pour bien comprendre déjà la problématique de votre étude que vous me disiez, en fait, qu'est-ce que c'est l'ambiance d'une pièce? Oui, en fait, c'est quand même un terme qui est assez complexe à expliquer, mais on pourrait le décrire comme étant l'ensemble des stimuli qu'il y a dans une pièce, que ce soit acoustique, thermique, visuel, olfactif, qui vont faire en sorte qu'on va percevoir d'une différente manière cette pièce-là. Par exemple, on peut trouver que la pièce est bruyante, on peut trouver qu'elle est lumineuse. Puis, on peut aussi référer ça à la notion de perception environnementale, qui est finalement la façon dont on va percevoir et apprécier cette pièce-là. Si on va la trouver agréable, plaisante, favorisant le bien-être, par exemple. Dans le cas de ma recherche, je me suis vraiment penchée sur vraiment les stimuli lumineux, donc l'ambiance lumineuse d'une pièce, puis vraiment comment la lumière va venir réagir dans l'espace selon les différents matériaux, la façon dont on va le percevoir. Donc, d'un point de vue pratico-pratique, on pourrait dire que cette ambiance est un peu la manière dont on se sent, le feeling qu'on a dans une pièce. Est-ce qu'on sent bien à vivre dans cette pièce ou est-ce qu'au contraire, il y a quelque chose qui nous énerve un petit peu? Donc, un peu, ça se rapporte au confort qu'on peut avoir dans un endroit. Oui, exactement. D'accord. Et alors, donc, pourquoi on doit s'intéresser à la nature du sol, du plafond et la lumière naturelle? Pourquoi est-ce que ça modifierait l'ambiance qu'il y a à l'intérieur de cette pièce? Bien, selon les différentes la matérialité des différents, le plancher, le plafond, les murs, etc., ça va venir vraiment modifier notre perception de l'espace parce que, par exemple, si on a un matériau qui est de couleur plus chaleureuse, ça va venir créer une ambiance qui est plus chaleureuse. Si le mobilier, si c'est une ambiance qui possède du mobilier aussi de différentes teintes, on va venir le percevoir différemment, puis la lumière également dans l'espace sera différente. Donc, en fait, ça veut dire s'il y a des murs qui sont sombres ou clairs, ils vont pas réfléchir de la même façon la lumière qui exactement. Rentre aussi. Exactement. D'accord. Et en fait, ça paraît un petit peu abstrait. Pourquoi on s'intéresse à ces questions? C'est si important que ça? Oui, tout à fait, parce qu'il y a plusieurs études qui se sont déjà pensées sur la question. Puis on a découvert que selon la façon dont l'espace va générer une différente ambiance selon la matérialité. Les gens vont se sentir mieux, il va vraiment avoir un impact sur l'homme, le bien-être de la personne. Ouais. Ah oui. Puis d'ailleurs, il y a une notion qui s'appelle la biophilie, qui est, si on veut, l'inclinaison inhérente de l'être humain de vouloir se rapprocher de la nature. Puis ça peut être par un contact avec la lumière naturelle, donc une vue par exemple sur un arbre, aussi tout simplement avoir un puits de lumière qui vient nous apporter de la lumière, mais aussi par l'utilisation de matériaux naturels comme le bois. Ah oui. Puis plusieurs études sont venues prouver justement que lorsqu'on utilise des matériaux qui sont naturels, les gens vont se sentir mieux, puis ils vont sentir plus qu'ils vont être plus confortable, puis même physiquement et biologiquement, si on veut, il y a des études qui prouvent que le stress... Ça apaise. Exactement. Ah oui, d'accord. Dans des chambres d'hôpital, par exemple, etc. Ouais. Mais c'est intéressant. Mais alors, donc là, on comprend le pourquoi, on veut comprendre le comment, parce qu'on peut se demander, mais comment on fait pour mesurer ce bien-être ressenti par les gens? Donc, comment on fait finalement pour quantifier l'ambiance intérieure? Est-ce qu'on fait des mesures? Il y a plusieurs appareils de mesure qui existent. Dans le cas de la lumière qui m'intéressait, par exemple, on aurait le le luxmètre, qui permet de mesurer l'éclairage de la pièce, mais il y a aussi des logiciels qui permettent de venir rechercher la température de couleur, donc vraiment l'ambiance, si elle est chaleureuse ou chaude ou froide. Puis si on parle d'ambiance plutôt acoustique et thermique, on pourrait mesurer, par exemple, l'humidité relative de l'air ou le temps de réverbération, la façon dont la pièce s'il est écho, l'écho, etc. Et donc là, pour la lumière, on mesure je comprends qu'on peut mesurer l'intensité de la lumière, si la lumière est forte ou pas, mais la chaleur de la lumière, ça se mesure comment, ça? Bien, on vient décortiquer l'image, si on veut, en termes de couleur, de longueur d'onde. D'accord. Puis, ça permet de savoir, par exemple, si l'ambiance, en venant prendre différents points dans l'image, ça permet de voir si l'ambiance est grossièrement chaleureuse ou grossièrement froide. Évidemment, il peut avoir certaines textures froides, certaines textures chaudes, mais je pense que c'est vraiment l'ambiance générale que j'ai essayé de venir chercher pour mes images. D'accord. Donc, une ambiance chaude, ça va être une ambiance avec des couleurs, je sais pas, jaune-orange. Exactement. Et sinon, ça va être une couleur bleue, des couleurs bleues qui vont nous sembler plus froides. Oui. D'accord. Oui. Et donc, là, en fait, concrètement, vous avez fait comment? Vous avez eu accès à une salle, puis vous avez mis des murs en bois ou... Non, mais c'était des maquettes à échelle réduite qui ont été construites. Puis ces maquettes-là étaient assez grandes, je dirais peut-être 1 mètre par 1 mètre. Ça permettait vraiment d'avoir un degré de réalisme assez efficace. Puis, ils ont été teintes de différentes couleurs. Fait que, par exemple, on avait une teinte qui était de chêne, donc plus jaune, une teinte qui était plus grise, qui revenait ressembler presque plus à du béton, finalement. D'accord. Une teinte aussi de noyer, plus sombre. Puis, on est venu faire différents agencements, par exemple, le plancher en chêne, les murs blancs, un plancher en noyer, le plafond en noyer qui venait créer une ambiance plus sombre. Puis, on est venu créer différentes ambiances, puis venu les quantifier aussi à l'aide des appareils de mesure. Et donc là, je comprends pour donc les faire varier le type de revêtement des plafonds, le sol, le mur, mais pour la lumière, on fait comment? Parce que là, on prend la lumière, c'était de la lumière artificielle? Non. La lumière du jour? Oui, c'était vraiment important d'avoir l'accès à la lumière naturelle parce que, bon, comme j'ai expliqué, c'est de plus en plus prouvé qu'il faut un accès à cette lumière naturelle-là. Puis, qu'est-ce qui a été une donnée importante dans la recherche, c'est vraiment que la lumière possède elle-même une couleur. Donc, par exemple, le soleil du matin, si on est dans une orientation est, comme c'était mon cas, le soleil pénétrait abondamment dans la pièce. Ça venait créer une ambiance qui était naturellement plus chaleureuse que, par exemple, quand le ciel était en nuagé, qui venait créer une ambiance plus froide qui peut s'apparenter, par exemple, à une ambiance de couleur de la lumière du nord. Par exemple, dans les musées, on va souvent venir mettre la lumière du nord parce que c'est une lumière qui est très... qui est plutôt froide, qui va pas venir altérer non plus les tableaux. Puis aussi, c'est une lumière qui est constante tout au long de la journée. Ah oui. Donc, l'idée, c'est que moi, je suis venue prendre un journal de ces différentes ambiances lumineuses créées par la nébulosité du ciel. Un journal, ça veut dire... Ça veut dire qu'à chaque 30 minutes, j'écrivais, par exemple, d'une échelle de 1 à 10, comment le ciel était ennuagé. Oui. Puis, j'avais aussi un luxmètre qui permettait de savoir c'était quoi la luminance du soleil, donc combien le soleil éclairait. Puis, je suis venue mettre en relation, si on veut, ces données un peu plus quantitatives de nébulosité du ciel avec l'ambiance qu'il y avait à l'intérieur de la pièce. Et là, donc, à l'intérieur de la pièce, qui mesurait selon donc, cette lumière qui rentrait, qui se reflétait peut-être plus ou moins sur les murs parce qu'ils sont clairs ou foncés. Ouais. Et donc, vous aviez un appareil qui mesurait si la lumière à l'intérieur était chaude ou froide. Je le dis en termes très simples. Oui, exactement. C'est ça, d'accord. Ouais. Donc là, on comprend, on a compris le pourquoi, le comment, puis maintenant, on veut savoir les résultats. Donc, finalement, quelle est l'influence de ces matériaux, de cette lumière extérieure sur l'ambiance intérieure et puis peut-être le confort qu'on ressent à l'intérieur? Bien, tout d'abord, c'est ça, la première étape, c'était vraiment la quantification en termes de photographie, vraiment de la comparaison de ces espaces. Puis ce qu'on a découvert, c'était vraiment le fait que, premièrement, par exemple, le bois en teinte chêne, qui est plus jaune, plus clair, est venu créer des ambiances beaucoup plus chaleureuses tout au long de la journée, alors que, par exemple, les teintes de gris venaient créer des ambiances plus ternes, plus froides. Puis, qu'est-ce qui a été aussi intéressant, c'est de constater à quel point, dans l'ambiance de chêne qui était plus chaude, le matin, on avait une ambiance complètement différente que l'après-midi. Donc, on peut peut-être déjà le vivre dans notre appartement. Des fois, on a une fenêtre à l'est. Le matin, on a le soleil qui rentre. Ça crée une ambiance très chaude. Puis, l'après-midi, l'après-midi, il n'y a plus de soleil, donc on a une ambiance plus froide qui peut s'apparenter finalement à un ciel nuageux. Et puis, en fait, comment la lumière interfère avec tous ces aimants-là dans le confort visuel? Est-ce qu'il vaut mieux finalement vivre ou travailler ou étudier dans une pièce qui a des finitions en bois ou en mélanine? Parce qu'il y avait aussi des revêtements en mélanine dans votre expérience. Oui. Et par exemple, si le bois est pas en gris, est-ce qu'il va toujours garder son aspect chaleureux ou est-ce qu'il va le perdre? Est-ce que c'est le bois ou c'est la couleur? C'est ça que c'est des bonnes questions. En fait, c'est sûr que là, on vient plus de parler justement de notre impression en tant qu'humain, de notre préférence face au bois. Puis ça, la façon de le déterminer, c'est vraiment à l'aide de questionnaires. Oui. Puis moi, la deuxième étape de ma recherche, oui. Exactement, ça a été de questionner 80 personnes qui sont venues regarder ces pièces-là que j'avais déjà quantifiées à l'aide de photographies, puis de voir la façon dont ces personnes-là les appréciaient. Puis, à l'aide de plusieurs questions, on est capable de venir décortiquer les préférences. C'est sûr que les gens peuvent dire, bon, moi, j'aime mieux ça, toi, tu aimes mieux ça, puis que c'est vraiment des préférences personnelles, mais on est quand même capable, à l'aide de questions, de quantifier ou que ça ne devienne pas seulement personnel, on est capable de venir sortir des résultats. On est capable de voir une tendance? Exactement. D'accord. Puis, la tendance, c'est vraiment que les gens préféraient les espaces qui étaient clairs, les espaces qui étaient chaleureux. Mm-hmm. Ça a vraiment été les maquettes les plus appréciées, c'était celle-là. En chaîne, donc celle qui était en chaîne. Oui, celle-là qui était en chaîne, c'est la meilleure, disons, elle était très ensoleillée, puis aussi très éclairée. Ouais. Alors que la maquette plutôt sombre, qui était en noyer sombre, les gens l'ont moins appréciée, puis particulièrement les femmes. Il y a également eu quand même un effet du sexe sur la façon dont on venait qualifier l'espace, puis peut-être qu'on peut le remarquer parce que des fois, on n'a pas la même façon de percevoir l'espace que notre... amis, frères ou peu importe. Mais c'est inattendu, ça. On comprend qu'il y a des gens qui perçoivent pas l'ambiance de la même façon, mais qu'il y a une différence liée au sexe. J'imagine que c'était assez inattendu quand même. Oui, tout à fait. Puis j'avais quand même environ 50% d'hommes, 50% de femmes, donc c'était possible quand même de voir une tendance. Et est-ce que de vos études, Geneviève, est-ce qu'on peut en tirer des recommandations, des conclusions pour l'aménagement finalement de nos lieux de vie, de nos lieux de travail? Oui, tout à fait. Je pense que premièrement, l'utilisation de matériaux naturels comme le bois, nous, dans le Circep, c'est ça qu'on essaie de venir implanter parce que c'est un matériau qui est produit au Québec. Donc, c'est plus écologique aussi, c'est plus léger. Puis, en tout cas, il y a plein de raisons pour laquelle utiliser le bois. Je pense que le bois, ça a été prouvé à maintes reprises que c'est bien à utiliser. Je pense que c'est avec parcimonie. On n'a pas besoin de mettre du bois partout, sur tous les murs et tout ça. Puis aussi, c'est beaucoup la lumière naturelle. C'est tellement important. Je pense qu'on devrait créer des bâtiments qui offre ce contact-là. Puis même si on n'a pas accès nécessairement à une forêt, juste le fait d'avoir une lumière puis de pouvoir voir à mesure que la journée passe, s'il fait soleil, si c'est rendu la nuit, si etc., je pense que ça a un gros impact sur le bien-être des gens. Oui. Donc, combiner un éclairage naturel, une entrée d'éclairage naturel avec des matériaux qui peuvent mettre à profit, finalement, bonifier cette lumière naturelle dans nos milieux de vie. Exactement. D'accord. Bien, c'est fort intéressant. Je vous remercie beaucoup, Geneviève. Merci. À vous. De votre visite au micro Futur Simple. Puis on vous souhaite de bâtir des bâtiments baignés de cette douce lumière. C'est certain. Merci beaucoup. Donc rappelons que Geneviève Poirier est étudiante à la maîtrise en architecture et aussi, vous me disiez, vous faites deux maîtrises. Oui, exactement. Une maîtrise professionnelle en architecture et une maîtrise scientifique en architecture. Donc double maîtrise. Donc à l'Université Laval. Alors merci beaucoup Geneviève. Merci, bonne soirée. On fait une pause musicale maintenant sur CKRL au 89.1 et au retour on change complètement d'endroit, on vous emmène en Himalaya.